Représentant l'autorité de la nation vampire, ils vous proposent une trêve. Ils veulent vous rencontrer. Tu es sûr de ce que tu fais? Ça va nous emmener très loin. Maintenant, ceux qu'il a juré d'exterminer ont besoin de son aide pour combattre une nouvelle espèce maléfique. Ils ne sont plus l'espèce dominante. Nos forces sont prêtes à combattre, mais il nous faut un chef. Si j'ai bien compris, vous voulez que je les traque pour vous? Oh, ça m'excite. 5, 4, 3, 2, 1. Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis.